Je vais passer la parole à notre ami Serge Kornmann. Oui, c'est presque un gag. Ah bon. Et du coup, nous ne passons pas les 20 secondes d'introduction musicale. Ah bon. Ça pour la prochaine fois. C'est un gag parce que dès le mois de janvier, j'avais préparé quelque chose de génial, bien entendu, sur les films qui passaient. Et puis, comme on avait trop de matière, j'ai dit, bon, je sacrifie la rubrique. J'ai eu beaucoup de courriers de protestation. Alors, j'ai dit, bon, au mois de février, ça passe, même chose. Il y avait abondance de détails. Au mois de mars, je crois que je n'ai pas pu venir. Au mois d'avril, il y avait 4 réalisateurs. Encore. Et maintenant, je m'aperçois que j'ai plus le temps de lire tout ça et puis que tout ce dont je voulais parler, ben c'est déjà maintenant vieux jeu. Alors je vais essayer de bavarder un petit peu, tu m'interromps parce que le temps est précieux. Nous avons 50 minutes encore, nous en avons absolument besoin impérativement, et puis nous avons naturellement des nouvelles, mettons 5-10 minutes aussi, n'est-ce pas? Donc, oui. Et, bon, pas trop de temps. Je voulais faire quelques remarques sur le nombre extraordinaire de films de long métrage intéressants qui, depuis le début du XXe siècle, défile dans toutes les grandes villes françaises, en tous les cas, dans les grandes salles et aussi dans les petites salles, les salles d'art et d'essai. Enfin, nous avons l'occasion de voir maintenant une trentaine de programmes, et surtout des programmes, c'est-à-dire des programmes pour enfants de 40 minutes, 45 minutes, ce qui est excellent, c'est juste le temps favorable, avec des dessins animés, des films d'animation, donc image par image, mais en mettant en poupée animé, en découpage, en tout ce que vous voulez, et de bon goût et artistique, parce qu'il y a des films spécialisées, c'est une très grande chance. Et puis, parmi les longs métrages, comme il y a abondance, il y a le meilleur, comme il y a le pire. Mais je voudrais parler en général de ma propre expérience. Je me suis intéressé aux dessins animés et aux films d'animation grâce aux courts-métrages. Or, c'était absolument horrible de suivre de court-métrage, puisqu'il n'était pas annoncé en salle, et je parle là du grand écran, je ne parle pas de la télévision, n'est-ce pas ? C'est l'ère du cartoon et du dessin animé de Grimaud, de tout ce que nous aimons, le dessin animé tchèque qui s'est révélé dans les années 40 déjà, du temps de l'occupation allemande, et qui a poursuivi après sous le régime communiste, plus d'autres pays, l'Angleterre, tout ça, il y avait une énorme production, mais pour voir les films, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas dans votre salle de quartier que vous voyez même les rares longs métrages produits au Danemark, déjà en Italie, en Espagne, dans quelques autres pays, on ne les voyait pas. D'ailleurs, Animal Farm, qui pourtant c'est du George Orwell, et c'est une œuvre qui tient la route, ça ce sera un classique littéraire où il n'y a pas un mot qui ne fasse image, et bien ça devait sortir en 1954 comme premier film de long métrage anglais et premier dessin animé de long métrage adulte, donc pour pour le public normal qui allait au cinéma. Je vous rappelle qu'il y avait un écran dans la salle. Eh bien, tout était prêt pour 1954 à Paris. Il y avait la version doublée en français, mais elle n'est jamais sortie pour des raisons politiques, évidemment, puisqu'il s'agissait d'une satire du communisme, mais pas du communisme idéaliste. Il était idéaliste au début, et ça, c'était naturellement quelque chose de noble. Et puis ensuite, l'exploitation qui en a été faite, parce que les hommes sont des hommes, n'est-ce pas ? Et alors, ça n'a pas passé. Et finalement, la France a dû attendre jusqu'en 1983 pour voir ce film. Et il a été considéré comme film pour enfants, d'ailleurs, sous le titre « La ferme des animaux ». Et quand on lit un titre pareil, on dit « Ah, chic, alors, je vais emmener le petit. Ça, ce sera des animaux, la ferme, le thème, un des thèmes avec l'eau des écoles primaires. » Il n'y a pas d'institutrice qui ne traite pas ça, et pour cause. Et qu'est-ce qu'on voit ? Des animaux qui s'assassinent, des choses comme ça, qui se suppriment, un régime tyrannique, des fils de fer barbelés, enfin, du sang qui coule, et tout ça, pour des petit de 3 ans, 4 ans, bon, vous me direz, c'est l'époque, s'ils vivent la guerre, ils voient ça, c'est triste à dire, ils sont aussi obligés de vivre plus tard. Bon, ça c'est une digression que je n'aurais pas faite en janvier, mais ça vient à l'esprit pour bien vous montrer, parce que ça ce sont des choses très anciennes, quand je dis 1954, c'est tout de même, pour moi c'est présent presque. C'est 50 ans quand même. Mais c'est 50 ans, il n'y a rien à faire, bon, je connais la sensation, c'est comme si à l'époque où je m'intéressais, on parlait des Émile Cole ou de Émile Reynaud. C'était vraiment distant. Et quelqu'un qui m'aurait dit oui en 1903, bon, c'est intéressant, mais tu sais, ça a évolué, nos gens. Bon, maintenant, alors qu'est-ce que nous avons vu? Justement, ce qui m'a frappé, c'est que si je classe les films que j'ai vus, et j'ai vu les films à la fois français et internationaux en France, et puis les films allemands. Il y a des films allemands qui n'ont pas encore passé en dessin animé. Enfin, ils ne sont pas allemands forcément, mais ils ont passé en Allemagne. Et puis, voilà ce que ça donne comme progrès sur le plan technique en quelques lignes. Je prends par exemple, en janvier, nous avions des films qui ont déjà une fois passé, mais qui n'ont pas déjà passé, mais je ne vais pas remonter à janvier. Je vais parler d'un film russe que vous ne connaissez peut-être pas, à moins d'avoir été un festival spécialisé. Ça s'appelle en russe Karlik Nos d'Ilya Maximov, animé au studio Melnitsa, animation de Saint-Pétersbourg, sous la direction artistique de Konstantin Bronzit, que nous connaissons, qui a même travaillé, je crois, à Folimage, où il a fait Au bout du monde. Voilà, qui est le film qui est passé dans le monde entier, dans un petit court-métrage. Il s'agit de l'adaptation du conte de Wilhelm Hauff, ça se prononce comme ça en allemand, et nous disons Hauff, naturellement, H-A-U-2-F, Zwergnase, le nain au gros nez. C'est un souvenir de Blanche-Neige, peut-être. Il y a une sorcière. Mais à part le nain et cette inquiétante sorcière qui constitue la vraie vedette du film, nous avons aussi une Blanche-Neige miniature, petite fille et un petit garçon. La façon dont ils sont animés, eh bien, elle est maintenant supérieure à celle de Blanche-Neige de Disney. Les décors sont comme si Disney avait utilisé 3 multiplanes en même temps. C'est-à-dire que la caméra pénètre partout et c'est fait à l'ancienne, je veux dire. Ce n'est pas de l'ordinateur encore. Et la faille, c'est que, comme dans Blanche-Neige, c'est l'introduction de deux chansons à la Disney, du pur schmalz, la guimauve, du sucre, n'est-ce pas? C'est-à-dire des choses langoureuses. Mais attention, ces chansons sont populaires, elles se chantent. Mais je veux dire, la qualité laisse un petit peu à désirer, et puis pour quelqu'un qui est cinéphile, c'est un peu gênant d'écouter cela. C'est dommage, ça casse un petit peu le film, d'autant plus que l'illustration, c'est un petit peu chante-foire de ces chansons. Il y a des fleurs, il y a des papillons, il y a des pluies d'étoiles, des choses comme ça. Autrement, un vrai film familial sur lequel j'ai peu à redire en tant que divertissement pur. Et ce qui frappe, c'est la technique, n'est-ce pas ? Qui est vraiment, on dirait que, bon, elle n'a rien à envier aux productions qu'on connaissait de Disney. Ça, on n'aurait pas tout à fait pu le faire dans les mêmes conditions il y a 50 ans. On n'avait ni les hommes, ni l'expérience. Et on peut aussi s'inspirer de la bande dessinée, ce qui a toujours été fait. Puis il me vient à l'esprit les deux films japonais de Takahata, justement, qui sont presque des deux pôles extrêmes dans ce qui concerne le style, la variété des styles. Nous avons vu Chie, ça se prononce je crois comme ça, la petite peste, et en français Kie, ça s'écrit C-H-I-E, alors naturellement on prononce Kie, sinon ce serait gênant. Et voir le style, ça peut être très abrupt au début, on se dit bon, c'est un petit peu grossier, c'est un petit peu... Et puis tout à coup, se dégage une poésie, une observation, on accepte ce graphisme qu'on a jamais vu, et comme ça se passe dans la réalité, comme il y a la caricature des quartiers pauvres, et en même temps un fond émouvant, on voit ce que peut donner la bande dessinée aux mains d'un artiste comme Takahata, qui est artiste parce qu'il ressent les choses et les communique à ses graphistes. Il ne dessine pas lui-même. N'empêche que ça porte sa signature, d'autant plus que pour la musique, là aussi, comme tout à l'heure quand j'ai parlé de Bayaya, j'ai évoqué le musicien Troyan, ici c'est la même chose, la musique est d'un goût exquis. Et on pense immédiatement au film raffiné qu'est la famille Yamada, n'est-ce pas? Donc là c'est la bande dessinée, comme ça a commencé le cartoon, et l'évolution est étonnante maintenant, en long métrage. Ensuite, il y a The Incredibles de Pixar, et qui est aussi un film extraordinaire parce qu'il s'adresse à tous les publics et même au public intellectuel, puisqu'il y a une satire de la bureaucratie à l'américaine, et ça marche comme un film de Tati, par exemple, où on voit l'absurdité de la chose. Donc, de ce côté-là aussi, c'est intéressant. Et puis, on voit à l'autre extrême, côté animation, des vieux gags tels qu'on les a produits dès les années 20 dans le film muet, c'est-à-dire le fameux bras en forme de tuyau d'arrosage et qui peut se tendre comme du caoutchouc pour saisir un objet au bout de la pièce. Ce qui a été imité d'ailleurs dans les comédies, les slapsticks en vue réelle, où on a fait passer ce trucage avec deux ou trois dessins qui sont intercalés entre la partie réelle et on voit un bras, on dirait que c'est le bras réel qui s'allonge. Et maintenant, c'est la réalité, c'est le personnage de dessin animé qui devient réel, photogénique, presque photographié, mais qui n'est pas aussi réel que dans le film réel, mais qui n'est plus aussi plat que le dessin animé. C'est une chose intéressante pour la suite, lorsqu'on veut raconter des histoires d'un autre niveau, par exemple. On sait qu'on peut arriver à ce degré de fantastique, bien que sur le plan artistique, là, il n'y a pas encore ce qu'il faut tout à fait. Dois-je m'arrêter peut-être parce que, oui, c'est plus prudent, je ne veux pas prendre la chose. Donc, la prochaine fois, je dirai encore deux, trois mots et je sais maintenant comment faire court en 3 minutes. C'est promis, la prochaine fois, vous aurez 3 minutes, pas une de plus. Merci pour votre attention.